On va parler de la Coupe Dodge et c'est l'une des premières fois depuis plusieurs années que la Coupe Dodge est de retour dans la région. Et question de savoir un peu c'est les hôteliers et les restaurateurs qui vont sûrement être contents de ça. On va parler avec le responsable, le grand Manitou de la Coupe Dodge du comité organisateur, Patrick Tremblay. Bon après-midi, Patrick. Bonjour à vous. Patrick, moi je suis pas fâché du tout parce que c'est des importantes retombées économiques pour la Coupe Dodge. Les restaurateurs et durant la COVID ont eu ça chaud, les restaurateurs, les hôteliers et ainsi de suite. C'est beaucoup de monde qui s'en viennent dans la région là, pour la Coupe Dodge. Oui, on parle à peu près de près de 5000 personnes, donc 1500 joueurs avec des parents accompagnateurs. Ça, c'est toute la région, ça? Aussi oui, tout au Taniers-Lac-Saint-Jean. Donc, on va avoir 5 sites différents pendant la fin de semaine. Donc, comme je disais, tout près de 5000 visiteurs, incluant les officiels, les membres d'Hockey Québec. Donc, c'est beaucoup de monde qu'on attend pour la fin de semaine de Pâques. OK. Comment ça va se passer? Donc, on est sur 5 sites. Donc, on a 5 catégories différentes. Donc, on va avoir des gens à un site à Robertval qui va accueillir le M15-3A. On va avoir un site à Dolbeau qui va accueillir le M15-2A. On va avoir les équipes juniors 2A à Alma. Okay. On va avoir le M13-2A à Marina-Larouche à Chicoutimi-Nord. Et on va avoir le M17 Espoir à Labbé. OK, OK. Donc ici, plus la région Dolbeau-Robertval, c'est quand même pas mal de monde aussi. Il va y avoir combien de matchs en tout et partout? Bien, on parle de 24 équipes au niveau de Robertval-Saint-Félicien, donc c'est pour ça qu'on va avoir deux glaces. Donc, on parle quand même d'une très grosse catégorie, la plus importante qu'on va recevoir en nombre d'équipes. Puis, on va recevoir 12 équipes pour le tournoi de la Coupe Dodge à Dolbeau. OK, OK. Dis-moi, pour du côté des bénévoles, est-ce que c'est quand même intéressant jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il vous manque des bénévoles? Est-ce que j'ai vu passer que du côté de Saint-Félicien, il en manquait dernièrement? Oui, c'est en plein ça. On est vraiment à minuit moins une pour le début de l'événement. Mais s'il y a des gens qui veulent donner un peu de temps, c'est sûr et certain que les comités locaux vont vraiment apprécier. Donc, je vous invite à contacter votre hockey mineur de votre localité. Puis, c'est certain qu'ils vont être capables de vous trouver des tâches pour accueillir tout ce beau monde-là durant la fin de semaine. OK. À quoi s'attendre les équipes de la région? Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à des belles prestations? Est-ce qu'on a des chances du côté de nos équipes de remporter des grands honneurs? Si on regarde sur le classement POC, là, c'est sûr que le classement POC, c'est pas fois le tout, là, mais je sais que les coachs prennent ça beaucoup pour en apprendre davantage sur les équipes. Là. Oui, pour parler du niveau M15-3, les espoirs de Saint-Lac-Saint-Jean ont terminé 6e au classement général, donc ils sont sûrement bien positionnés. Du côté du M15-2A, malheureusement, on n'a pas d'équipe au niveau de la région dans cette catégorie-là. Puis au niveau du junior 2A à Alma, on va avoir les Marquis de Jonquière qui ont remporté la finale, qui va être présent aussi. OK. Ça a été une grosse organisation, Montessor, mais durant le COVID, même de ça, et ainsi de suite. Oui, on a commencé, il ne faut pas oublier qu'on a commencé en 2019, puisqu'on parle de la Coupe d'Oge 2020. Ouais. Donc, ça fait quand même plus de 2 ans que le comité est en place. On a eu des personnes qui sont jouées à nous, d'autres qui ont quitté parce qu'il y avait d'autres engagements. Mais depuis 2019 là, qu'on travaille, depuis notre visite dans la région du Richelieu à l'époque, on avait été voir l'organisation de la Coupe d'Oge pour préparer notre édition 2020. Mais oui, ça a quand même beaucoup d'ouvrage. C'est beaucoup dans les dernières semaines. Tous les comités locaux travaillent très, vraiment très fort pour organiser. Que tout soit prêt, selon les normes d'Hockey Québec, d'être capable d'accueillir les gens des autres régions. Patrick, est-ce que garder la motivation là-dedans quand tu ne sais pas que tu vas l'organiser, ça doit être dur, hein? Bien, c'est sûr que ça a été difficile, surtout la première année, alors qu'on avait annulé tout l'événement quelques semaines avant. L'année passée, la décision a été prise avant Noël, donc c'était en octobre. Puis là, cette année, tous les signaux étaient positifs avec la diminution des mesures sanitaires. Donc, on voit qu'on est capable de tenir l'événement. Mais le comité est vraiment gonflé à bloc. Puis là, cette semaine, vraiment beaucoup. Puis tous nos comités locaux sont prêts à accueillir les jeunes patineurs des autres régions. Bon, Patrick, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Au plaisir de se parler. Hey, merci à toi. Bonne fin de journée. Le grand Manitou de la Coupe Dodge, Patrick Tremblay.